24 solo, mes couilles c'est du ciment. Je suis très loin de ma cellule, celle-ci c'est pour la rue. Pour les vrais qui la vivent, qu'on tout fait mais rien vu. J'parle des vrais qu'on vécu, la squale fait pas de boucan. Une bécane, tu bégayes chez moi que ça mitraille. La banane, tu connais la rue, la vraie connard. Emballe-moi tes canailles ou je te sors mon canon. C'est réel, c'est connu, toi personne te connaît. J'coupais des kilos, t'allais voir ta cali. Le petit pancani, c'est bien lui, l'as de pique. Beaucoup rêvent de sa perte, mais il pète toutes les portes. Les jaja sont en perte, moi j'achète mon appart. J'ai toujours pas d'appos, partagerai pas ma part. J'suis serein, j'ai pas peur, pancat cul pour ses sœurs. Tu peux l'appeler messire devant la juge, il fait sur cette. Si c'est pour Shakespeare, moi j'ai décidé d'être. Et non, pas de paraître, moi personne me parraine. J'marche tout seul sur Paris, dans mes couilles, mon 38 des années que j'suis pas, ouais, j'ai pas trouvé le parrain. Arrête Pinocchio, pancani, va te fumer, c'est bien lui le plus futé. Tes potes jouent tous la flûte. T'attends pas que j'te flatte, Pendejo, fais pas de faute, c'est la rue, son seul fuite sur sa vie. Il écrit, il parlera de ses écrous, de son passé, de ses passe-temps qu'il graille avec des pastas. Maintenant c'est 8 pistons, du bitume au plafond, tout seul, je fume mon split. Celle-ci c'est pour débrief, j'suis debout, c'est là-bas, tu me connais, j'abuse pas. Un bon bus, pas un drap, en cas, va pas te rater, en avance, pas en retard. Une balle en retour et ta cité, retiens, c'est la rue, pas de refrain, Momo n'a qu'un refrain. Ils ont brûlé le refus, ça rafale, pas de refus, tu piqueras pas de refus. Oh, ailleurs, c'est le décor. Au fond, t'as les décons, j'te jure, je ne décolle pas, c'est la rue, c'est comme ça, les vrais font pas comme si. Charge en bas de la queue, son du bitume au plafond, la squale dit pas de bêtises, beaucoup rêvent de le buter, mais j'suis pas prêt de fauter. Futé, pas foutu, j'tire, c'est pas des foutais, c'est réel, tu fantasmes. Tu connais la formule, le petit gars est formé, le pancani, les renfous, Pendejo, leur fait mal, snow a tiré dans le mail. Il a suffi d'une balle, t'étais seul dans ta bulle, la vie a eu sa belle. T'étais seul dans ta bulle, la vie a eu sa belle. T'étais seul dans ta bulle.